sous la pluie. Surtout pas finir mes vies dans la couleur de l'oubli. Entre frères, on se l'écoute, c'est comme ça qu'on s'appuie. Dans un monde meurtri, de justice, d'injuste, on vit à la merci, sans jamais dire merci. Comme un enfant duplessi, on est mal discipliné. Mais c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on est né. Dans notre coin, on a fait appris à respecter les aînés. Les plus grands, les plus vieux, c'est eux qui dirigeaient le patron, notre ghetto, c'est là qu'on s'abritait. Les passants qui passaient étaient terrorisés. Nous, on sentait en sécurité tant qu'on était dans le quartier. Quand on tripait une fille, fallait être plus vite que tout le monde. Parce qu'on était pas friqué, on était trop freaky. Freaky, freaky flow, la haine qui coule à flot. Comme le sang coule dans nos veines, sans jamais demander pardon ou à être pardonné. La violence est notre parole, mais on n'arrête plus de parler. Notre chemin est tracé, dans une vie trop compliquée. Sans détour, sans retour, sans pouvoir recommencer. On peut juste s'améliorer, mais faut pas désespérer. La vie est si courte, la vie est si fragile. Je me souviens dans mon passé, l'école c'était pas facile. Surtout l'heure du dîner, je mangeais seul dans mon coin pour pas qu'on voie mon lunch. Ça c'est si je n'avais rien comme le téléphone. La poésie m'irrissait, ça c'est ce qui me passionne. C'est mes textes de rap qui nourrissent mes neurones. Malgré tous mes défauts, je pense que je pense comme tout le monde. La terre est un royaume et je veux porter la couronne. Mais pour y arriver, faudrait combattre le young. Comme un soldat valcartier, faudrait être bien entendu.